Impuissant mais véridique comme 1+1=2. Ça me passe au-dessus qu'on me félicite, j'ai rien de plus simple pour se cramer. Bon c'est l'avenir poteau que j'appréhende le plus. Elle est loin la vie où j'allais prendre le bus pour cracher des rimes. Passionné mes émotions l'emportent. Quelques lignes nouées dans la gorge, glissées sous la porte. J'attends rien d'eux, j'attends rien de vous. Je vais pas laver mes péchés dans un bain de foule. Je fais 10 fois le tour de la ville, je suis nulle part à ma place. Je tourne, je fais les 100 pas, je rentre à battre à l'appart. Une tête de déterré, t'as l'impression qu'on parodie tes rêves. J'attendais autre chose du paradis terrestre. Le shit et la picole, le fond de broyer, le vaucer. Vacille entre le vice, les tentations, les larmes sur ses fossettes. Je me sens seul, wesh l'ancien, où est passée la fougue. Branche le chrome, brûle l'enceinte, je vais faire parler la foudre. Ça rappe en bande sushi dans un 20 mètres carrés. Y'a pas de champagne ni de sushi sur un salaire de cariste, non. Tu sens le vent, la pluie, la grisaille, la tempête. Du sang d'encre dans les freestyles, la sans baiser, la santé. Encore un couplet de plus, gratter sans thème, sans inspi. Tu sais, je suis à bout de nerfs, je fume, je roule ma peine dans un stick. Encore une nuit d'errance, ça traînait très tard. Une page se tourne, je marque le coup, un couplet signé Reta. Oups.